une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique en présentation spéciale en ce samedi 27 octobre. Il est 18h, même passé 18h, et on est très content de participer au Radioton de CKIA FM 88.3 à Québec, et plein de belles choses en fait en cette émission spéciale. Et tout d'abord, ben, on va vous parler du Radioton, parce que oui, c'est en cours jusqu'à demain 15h. Donc aujourd'hui jusqu'à 21h, vous pouvez vous présenter au studio au 335 Saint-Joseph-Est, local 200, c'est au deuxième étage, très facile à trouver. Vous venez nous voir, vous amenez tout plein de bidous, parce que on veut que vous participiez au Radioton, on veut des dons. Bien évidemment, vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez toujours passer par le PayPal sur le site de CKIA FM, donc le ckiafm.org, pour y faire évidemment des dons généreux pour encourager une radio, un micro libre à Québec qui permet à des gens comme nous, là, à Puissance Maximale, de vous faire des émissions sur les jeux, sur la musique, sur les tendances sociales et sur les cultures dont on entend souvent moins parler dans les radios commerciales, et aussi entendre de la musique différente, bien évidemment. Donc, vous pouvez venir ici faire un don, renouveler votre carte de membre pour l'année qui s'en vient. Donc, un 20$ pour devenir membre, qui vont vous donner aussi des avantages, et pour encourager encore une fois la station. Donc, venez faire des dons, venez chercher votre carte en studio ici, ou appelez-nous au 418-529-9026, 418-529-9026. Vous pouvez aussi venir voir, il y a des t-shirts à 20$ là, de la station, des très beaux t-shirts d'ailleurs. Je trouve le concept très beau. Ça vaut la peine de venir le chercher. Et un CD, là, on en a parlé pendant les dernières semaines, de musique progressive à 10$. Venez chercher ça, l'univers progressif que ça s'appelle. Vous pouvez venir chercher ça au studio jusqu'à 21h. À partir de demain également, là, ça continue demain en matinée. Et aussi, il y a des livres. Vous pouvez venir faire des dons en argent volontaire pour venir chercher. On a une belle collection de livres assez Kaïa. Venez voir ça en studio jusqu'à 21h. Et pour notre part, à Puissance Maximale, on va être là aussi tantôt, là, dimanche matin à 5h. Et je salue mon collègue de toujours, M. Andrew Castegan, à la mise en onde. Ça va bien, Andrew? Ça va très bien. Je commence à me sentir un peu oublié. Mais non, mais là, il fallait parler du Radioton au début. Là. Puis toi, tout le monde te connaît. De toute façon, tu es le maître de la console à Puissance Maximale, ben le oui, metteur en onde. Je me promène dans les rues, là, puis le monde dit « Ah, toi, tu es le metteur en onde de Puissance Maximale. » Je fais bien, oui. Et oui, tout à fait. Et mon nom, moi, est Mickaël Michaud, votre animateur. Et là, on a une émission assez toujours occupée, comme à l'habitude. Et cette semaine, ce samedi, j'étais habitué dire cette semaine, parce qu'on est une fois par semaine habituellement. Mais donc, pour cette émission d'une heure là, de samedi, on va avoir des nouvelles ludiques, bien entendu. Et on a un invité spécial aussi, M. Nicolas Morin, du studio Nicorail Studio, qui est un studio indépendant de jeux ici à Québec. On va lui parler plus tard, mais comme à notre habitude, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller voir toutes nos anciennes émissions. En fait, pas les voir, mais les entendre. Allez écouter nos podcasts, voir voir et lire les nouvelles qui y sont postées sur Facebook, bien évidemment. Allez rejoindre aussi la page de CKIA FM sur Facebook et celle de Puissance Maximale. Faites une petite recherche, là. On est très facile à trouver. Et bien entendu, le CKIAFM.org, je le répète parce que c'est très important. Allez faire un don pour le Radioton. Renouvelez vos cartes. Parce que sans CKIA, on serait pas là. Et voilà, votre émission ludique préférée ne serait pas en ondes, malheureusement. Donc, donnez généreusement, allez sur le site de CKIA FM, donc le CKIAFM.org. Et comme à notre habitude, on commence en musique avec de l'excellente musique. Et toujours de l'excellente musique choisie par mes soins aujourd'hui. Et on va commencer par la chanson Little Green Bag de Jan Visser et George Baker. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Benoît Cécile, animateur en dessin animé. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Little Green Bag. Et on y va tout de suite avec notre entrevue avec notre invité spécial de ce samedi 27 octobre. Et c'est M. Nicolas Morin des studios Nicorail, ici à Québec, studio de jeux indépendants. Salut Nicolas, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Très bien, toujours, ça va toujours bien quand je suis devant mon micro ici à CKIA. Et là, on t'a invité aujourd'hui parce que là, tu nous avais contacté, on a vu ça un peu là, un studio indépendant de jeux, ça c'est toujours le fun, on aime toujours ça, les studios indépendants. Et là, par exemple, toi t'as un concept différent, tu nous proposes un concept de jeu sur mesure, on va y revenir tantôt, mais j'aimerais commencer par te demander, j'imagine connaître un peu la réponse, mais je voudrais te demander qu'est-ce qui t'a amené à fonder ta propre entreprise côté jeux vidéo. Est-ce que t'as déjà eu de l'expérience dans des compagnies connues, puis tu t'es lassé, ou c'est simplement par par le goût de l'aventure? Et la réponse serait quand même assez longue, je te dirais. De base, j'ai fait une formation de concepteur de jeux vidéo au Cégep Limoilou. Moi, je voulais toujours travailler en tant que concepteur dans les compagnies, fait que j'ai été embauché, oui, dans des studios Ubisoft, ici à Québec, non loin de la rue Saint-Joseph sur laquelle on est situé présentement. J'ai travaillé là un bout de temps. J'ai rencontré un ami là-bas, Philippe Bérubé, qui m'a conseillé de faire un cours de programmation. Fait que j'ai suivi son conseil. Fait que j'ai aussi un cours de prog à Monarch. Pendant le cours de programmation, j'ai rencontré un ami, Patrick Deblois. Ensemble, on a fondé Nicorail Studios pendant nos cours de programmation. Au début, on était web et jeux. On essayait de diversifier nos services puis de l'expérience qu'on a acquis. Au fil du temps, il est arrivé certaines choses et Patrick a dû quitter la compagnie. Donc, c'est quand même assez récent. Mais à partir de maintenant, on prend la direction jeux. OK, ça, vous offriez le volet de développement web, là, pour le moment, là, et vous allez prendre plus Mon expertise est au niveau du jeu, là. Le web, c'était vraiment plus Patrick, fait que le web est parti, fait que le jeu reste, fait que moi, je me lance à fond dans la caisse dans le jeu. Donc là, pour le jeu, d'après ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu voir, là, dans l'offre qui était faite de votre compagnie, finalement, c'est que vous offrez l'opportunité de créer des jeux sur mesure, dans le sens où vous êtes pas dans la... En tout cas, j'ai l'impression... Vous êtes pas dans la production de masse de créer des jeux tout le temps. Vous avez quelques titres à votre actif, mais vous attendez aussi à avoir des gens qui vont vous proposer des concepts. Vous allez travailler pour eux, comme finalement justement le concept de je veux avoir une page web à moi, qu'est-ce que tu me suggères? Ben là, vous le faites, mais pour le jeu. C'est en plein ça. En fait, l'idée m'est venue du fait que chez Ubisoft, il y a un volume assez important d'appels de personnes qui « Hey, j'ai des idées de jeu, j'aimerais vous les proposer. » Et malheureusement, ces appels-là sont pas toujours écoutés ou... Mais j'imagine que ça doit être de même dans tous les grands studios, en fait, de jeux qui doivent recevoir des courriels et des téléphones comme ça, disant « Ah, j'ai une idée ». Ça doit pas être, ça doit être un peu partout comme ça, j'imagine. Malgré mon expérience dans le studio Ubisoft, je peux pas parler ailleurs. Fait. Là-dessus, C'est ça qui t'a inspiré, finalement, d'écouter. Finalement, ça a été un peu le point de départ de cette idée-là? Partiellement, durant mon cours de conception qui s'est fait avant que je rentre chez Ubisoft, vu que c'était comme le prérequis, tu sais, l'idée m'est venue, dans le fond, de toujours faire... Mon client, c'est le joueur. Fait que je me suis dit, tant que c'est ce que soit mon client, pourquoi ça ne serait pas pour de vrai, puis qu'il ne commencerait pas à s'intégrer directement dans la chaîne de production du début, puis qu'il nous suive tout le long, puis qu'on fasse un jeu qui lui plaise à lui. OK, ça fait que là, lui, finalement, ton client, disons, il va être interpellé tout au long de la conception du jeu. Exact. Excellent. Puis là, d'après ce que j'ai pu voir, vous faites aussi tout. C'est pas juste, on parle pas juste de programmer, vous parlez même de la musique, des produits dérivés. Donc vous êtes là vraiment de A à Z. Exactement. C'est de même qu'on marche à Nicorail Studios, on fait des pluches pour les figurines, dans le fond, pour représenter la créature ou le personnage du jeu vidéo. On a fait une bande dessinée aussi qui s'appelle Triple Wars, qui est en vente au Fanamanga et à la librairie Phylactère, qui, dans le fond, raconte un peu l'histoire, le début de l'univers Triple Wars qu'on est en train de mettre en avant-scène. Là, présentement, on a eu notre premier client, qu'on peut dire... Le jeu s'appelle Ninja Crossing. C'est un genre de Frogger remix où ce que t'incarnes un personnage qui est un ninja qui doit traverser la rue sans se faire écraser par les immenses véhicules qui doivent le traverser sur la rue. C'est un peu très, très, très humoristique. C'est que là, c'est ça, pour le moment, c'est ça, vous avez deux franchises, si on peut dire. Donc, Triple Wars et Ninja Crossing. Exact. C'est ça, tu parlais aussi des BD. J'ai vu un peu, c'est ça, l'esthétique de Triple Wars. On parle de quelque chose qui... Ben là, on parlait de Fanamanga et Phylactère, qui est manga. Yep. Est-ce que c'est un concept que vous avez développé ou c'était pour un client, justement? Non, ça, c'est, dans le fond, Nicorail. Qui à la sonorité, on peut deviner que c'est d'origine un peu japonaise. La racine Neko, qui signifie chat, et Rai, qui est le samouraï guerrier. Donc, on est les chats guerriers. C'est un peu poétique, mais c'est la raison d'être du nom Nicorail Studios, et ce qui est aussi partiellement mon nom en japonais. OK. Donc, c'est ça, c'est d'inspiration, finalement, nippone à ce niveau-là. Oui. Excellent. Et là, j'ai remarqué aussi sur le site qu'il y avait un système, parce que là, disons que quelqu'un qui veut se procurer un de vos deux, un des deux jeux, on se présente, on va sur le site, juste me rappeler l'adresse. www.necoreilstudios.com. Excellent. Puis on va le mettre sur le site internet. Tu dis qu'on va mettre l'émission en ligne. On va vous le mettre également sur le site internet de Puissance Maximale. Donc les gens peuvent aller sur le site, puis sauf qu'on peut pas, on va pas payer en argent comptant. Il y a un système. Ouais, un système de cartes de points, un peu comme Microsoft Xbox Live, où ce que tu achètes les points. On s'est un peu inspiré de là-dessus. J'ai toujours trippé console Windows, PC. J'ai vraiment je suis un gamer typique PC. Oh. OK. Ça fait que là, finalement, on va sur ton site, on va s'inscrire, on va s'ouvrir un compte, puis à ce moment-là, il est possible de s'acheter via PayPal, j'imagine? Oui, présentement, principalement PayPal, oui. OK. Ça fait que là, on peut aller s'acheter pour un certain nombre. On a aussi des cartes en vente à notre studio. On cherche des points de vente, d'ailleurs. Appel à tous. OK. C'est que vous cherchez aussi un pignon sur rue pour... vous avez déjà là, la possibilité de vendre, disons, votre bande dessinée au Fanamanga et à Philactère. Exact. Mais vous cherchez aussi un point de vente, pignon sur rue, pour vendre cartes de points et peut-être... Là, pour le moment, vous n'avez pas de version physique de vos jeux. Là. On planifie pas d'en avoir. OK, ça va être seulement... Moins qu'on sorte des éditions collectionneurs. Ah, OK. Excellent. Disons, justement, là, avec des produits, comme on parlait tantôt, là, de peluches ou de figurines que vous... Exact. Excellent. Ah, mais c'est quand même une bonne idée. Les jeux viennent avec ou sans DRM? Nous, on a une politique là-dessus pour un peu bloquer le piratage, dans le sens de ta question. Faut que tu te connectes à notre serveur de jeu. Fait que, automatiquement, t'as besoin d'un accès Internet pour pouvoir jouer à nos jeux durant ta session de jeu. De toute façon, vu que c'est des jeux qui sont seulement téléchargeables... C'est ça devient, ça aurait été compliqué, disons, de pouvoir se les procurer. Non, mais c'est quand même intéressant à savoir, là, t'sais, quand... Oui. Mais en fait, par rapport justement à l'adhésion de pourquoi qu'on force le joueur à se connecter à notre système, c'est que nous, on a un système de rétribution des points. Ça fait partie sur le site. Là, vous allez avoir, on va acheter le jeu pour un certain nombre de points là, qu'on va avoir payé par PayPal. Puis là, en plus, quand on joue, on peut avoir des récompenses. Exact. Tout comme, mettons, les trophées dans la PlayStation 3 et les Gamer Score de Xbox, qui ne servent malheureusement à rien. J'ai analysé ça. Le système de récompense en soi est excellent. Mais nous, on a poussé l'idée plus loin en redonnant les points aux joueurs. Donc, automatiquement, vu qu'il se connecte à son compte quand il fait sa session de jeu, ben les points sont rajoutés puis on affiche la récompense. Ah, c'est quand même une bonne idée. On récompense le joueur à jouer. J'aime ça, moi. J'aimerais ça qu'on me récompense plus souvent, moi, quand je joue. Là, ça me fait crier par la tête. Donc, c'est ça. Donc, là, on a ce système-là. On a le système de récompense également. On va tout chercher ça sur le site. Présentement, là, ce que vous avez... Là, je sais que c'est ça, là, tu viens de nous dire. C'est ça, là, t'es pas mal rendu seul dans l'entreprise là pour le développement. Je sais pas ça. Au niveau développement, j'ai des personnes qui m'assistent. OK. Bénévolement, je dois dire. Donc, je les remercie personnellement beaucoup. On a deux graphistes. Jean-François April, qui est l'auteur principal de Triple Wars. On a beaucoup jasé ensemble. C'est un peu de lui que vient l'idée. Il nous est arrivé un jour avec justement trois personnages qui sont les personnages Angelus. Je sais pas si t'as été voir ça. Oui. Ces personnages-là, il est arrivé avec la photo. En fait, hey, ça donne une idée. T'as une personne qui fait du tank, une qui est en avion, puis une qui est dans marine. J'ai regardé ça puis j'ai fait hey, ça me donne une idée de jeu. Pourquoi qu'on fait pas un jeu sur la marine, les tanks et l'aviation? C'est qu'on va utiliser différents véhicules dans ce jeu-là. Fait que comme ça s'appelle Triple Wars, on a tout triplé. Parce qu'il faut dire que c'est une entreprise qui débute là quand même. Vous êtes pas, ça fait pas 10 ans que vous êtes sur le marché là. C'est vous avez débuté, je pense, l'année dernière, ça se peut-tu? Officiellement, on a débuté le 1er septembre 2010. Ah, OK. On a commencé à faire des affaires principalement dans le web, le temps qu'on développe nos technologies pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo a vraiment commencé beaucoup plus cette année. Excellent. Et en terminant, est-ce que vous avez des projets, est-ce que tu as des projets futurs là, qui s'en viennent, ou là vous êtes vraiment en train de consolider finalement là, l'entreprise là, pour vous préparer justement à l'arrivée de ces projets-là? J'ai beaucoup, beaucoup de projets à long terme, dont la raison pourquoi j'ai fondé un studio de jeux vidéo. Ça fait au-dessus de 12 ans que je travaille sur un système de jeux de rôle pour faire un gros RPG. Je cherche beaucoup d'aide pour avancer ce projet-là. C'est d'après moi aussi gros que ce que Tolkien a fait pour l'univers du jeu de rôle. Excellent. Ben, écoute, j'espère que ça va aboutir. Moi aussi. Donc, c'est tout. Alors, on invite tout le monde à aller visiter le site internet de Nécoreille Studio. Tu nous rappelles ça rapidement, Nicolas? www.nécoreillestudios.com. On dit Nécoreille, c'est N-E-K-O-R-A-I. Yes. Ben, pour le nom de domaine, oui. Oui, c'est ça, pour le nom de domaine. Donc, nécoreillestudios.com. Et ne pas oublier le S à Studios, c'est très important. C'est excellent. Merci beaucoup, Nicolas Morin, d'être passé en studio pour nous parler de Nécoreille Studios. On invite évidemment tout le monde à aller visiter ça et aller voir les projets et encourager, bien évidemment, un studio indépendant de jeux à Québec. Merci beaucoup, Nicolas, d'être passé. Ben, merci à toi. Alors, Andrew, on continue en musique avec une autre excellente chanson. Quelle est-elle? Oui, ça va être une toune de notre artiste qu'on aime bien, Brent Allfloss, en duo. Duo, merci. Avec Pat de Nespunk, qui est un peu un type de Angry Video Game Nerd, dans le fond, un gars qui est un collectionneur là, qui a plein de jeux, qui ont fait une reprise de Bohemian Rhapsody à la sauce jeux vidéo. Et ça s'appelle Nintendo Amien Rhapsody. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Is this the real life or a bit fantasy? These classic games are my escape from reality. Blow on the card, insert and press start with me. I love Nintendo. It is no mystery because it's Mega Man, Mario, Little Mac, and Nemo. When I play Nintendo, it's so very special to me. Just lost again. It was nice, but then I died, and I can't find the strategy guide. Mama, the game had just begun, but now I've gone and thrown the fun away. Mama, ooh, I think I'm because Sega doesn't matter. Too late, my lives are gone. Nintendo Power's got no tips, and the game counselor's a dick. Stop playing games. I bought new controllers, but no. Little guy, is he an extra man? Silly douche, you'll get no extra man, no. Crazy difficulty, feels like you're insulting me. Old Nintendo, old Nintendo, used to beat it. We return the games are harder than you know. Is that so? I'm a decent gamer, why is this not easy? You're just a loser and you suck, barely can beat a game from back when you were three. Is there no easy mode or a secret code? Bad gamer, no! You get no cheating code! Need a tool! Main gamer, there is no easy mode! What a load! Bad gamer, there is no easy mode! Easy mode! There's no secret code! Secret code! Never, never, never! There's no code! No, no easy mode! Oh, mamma mia, mamma mia! Ask your mama for a code! Yeah, mortal, will you ever make it easy for me? For next one. Prove I'm a real gamer to me. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. En fait, pour vous dire qu'on va aller en publicité, c'est rare qu'on fasse ça à mi-émission, mais c'est le Radioton, donc on a des messages à vous faire passer. On vous rappelle donc de nous appeler au 418-529-9026 pour faire des dons par téléphone et même acheter votre carte de membre de CKIA. Profitez-en par la même occasion. On vous rappelle qu'on est là jusqu'à 21h, les gens de CKIA, là, au 335 Saint-Joseph-Est, au local 200, au deuxième étage. Et il y a toujours le CKIAFM.org pour des dons sur les internets. Donc, on va en pub et on vous revient tout de suite après. Merci à notre commanditaire, Groupe Négotel, qui nous fournit le service de ligne téléphonique pour notre Radioton. Que ce soit pour vos besoins de ligne téléphonique locale, vos interurbains, numéros sans frais, Internet, téléconférence et même des téléavertisseurs, le groupe Négotel a tout pour satisfaire vos besoins en télécommunications pour votre petite, moyenne ou grande entreprise. À l'échelle humaine et près des clients, le groupe Négotel de Québec se démarque par la qualité du service offert. N'hésitez pas à visiter le site web www.negotel.com. De retour à puissance maximale après cette version 8-bit de Don't Stop Me Now de Queen. Avouez que c'était merveilleux. C'était très bon. Ça accompagnait le Nintendo-emian Rhapsody de Brentalfloss et de Pat de NES Punk, qui était une excellente reprise de Bohemian Rhapsody de Queen. Et après ces publicités et chansons, nous revoilà en nouvelles ludiques à puissance maximale. Et on va commencer par une nouvelle sur Halo 4. En fait, on nous dit que Halo 4 est le jeu le plus cher de l'histoire de Microsoft. Et oui, ça s'en vient. D'ailleurs, le 6 novembre prochain, toi, Andrew, est-ce que tu es fébrile? J'ai même pas fini le 3. J'ai fini le 2. J'ai été assez en colère contre la fin. Je sais pas. Je vais voir. Donc, m'attends que je vais prendre ça pour un non. Donc, ça s'en vient le 6 novembre prochain sur Xbox 360. Je suis plus excité par Assassin's Creed 3 que Halo 4. Ouais, mais ça, c'est normal. Ça. La pub était cœur. Hein. Je sais, je l'ai dit jeudi, là, mais. Était cœurante, là. J'ai hâte de l'essayer, moi aussi. Donc, comme on disait, pour Halo 4, là, qui s'en vient sur Xbox 360, ben, ce serait la plus grosse production de l'histoire de Microsoft, mais aussi la plus chère. C'est Phil Spencer, qui est à la tête de Microsoft Studios, qui l'a récemment précisé. Ils nous ont pas donné de chiffres exacts, pour le développement et la promotion du site, mais il faut, à titre de comparaison, on nous dit que le budget marketing alloué à Halo 3 était de 6,5 millions de dollars et que ça avait été dépassé à la sortie de Halo Reach. Donc, des bidous tout plein dépensés par Microsoft. On vous rappelle d'ailleurs que la plupart des nouvelles qu'on vous lit et qu'on commente à l'émission viennent du site jeuxvideo.com, souvent de IGN aussi. GameSpot. On ratisse les internets pour vous, chers camarades gamers, et on vous commande ça comme des chefs. Ou des fois c'est Miyamoto qui appelle sur mon cellulaire. Ah, directement les grands dirigeants de l'industrie qui nous appellent parce qu'ils savent que nous avons de l'influence à puissance maximale. Autre nouvelle, parce qu'on va rester sérieux, Metal Gear Rising Revengeance serait un vrai jeu Metal Gear, et oui, pour celles et ceux qui en doutaient, Yuji Korikado, producteur de Metal Gear Rising Revengeance, je trouve ça drôle, Revengeance. C'est ça, c'est pas une vengeance, c'est pas une revanche. C'est une revengeance. Une revengeance. Bon, on nous rappelle que son bébé, là, donc, sera un vrai jeu. Donc, et je cite Monsieur Coricado, la démo présentée que vous pouvez, ben, en tout cas, c'est ça, la démo présentée, excusez-moi, représente le point culminant de notre design et de notre direction scénaristique. Nous avons le sentiment que nous avons réalisé quelque chose de vraiment super et que nous pouvons que nous opposer à ceux qui disent que ce n'est pas un jeu Metal Gear. Donc, c'est en fait c'est un spin-off là qui devrait mettre en scène la forme cybernétique de Raiden. Qui était vu dans... Tel qu'on le voit dans Metal Gear Solid 4. Et voilà, Guns of the Patriots. Et qui va être orienté action, mais... Ça c'est pas mal ça. C'est un spin-off sur ce personnage-là. Ça s'en vient en février prochain. Et on nous parle de... Donc, disponible sur PS3, Xbox 360 et même PC. Ça, on aime ça quand on a des versions PC. Monsieur Castegan, une nouvelle pour nous? Oui, que j'ai trouvé bien drôle pendant que je ratissais les internets pendant une chanson. Saviez-vous que Minecraft... On aime ça parler de Minecraft. Oui. Est plus populaire sur la Xbox Live que Modern Warfare 3. Ça, c'est en face, on en a parlé hors d'onde, là, ça me surprend pour vrai. Disons que on parle. Premièrement, Minecraft est un des jeux qui est en train de battre tous les records, en fait, au niveau du Xbox Live Arcade. Là, c'est juste pour vous donner une idée, il se vend en moyenne 17 000 copies par jour. Et ça cause des revenus pour Mojang et le Microsoft des alentours de 340 000 $ tous les 24 heures. Moi, je trouve ça cool pour Mojang. Microsoft, bof, ils font de l'argent autrement. Et mais pour Mojang, c'est vraiment le fun. Mais aussi, en même temps, la version Xbox Live de Minecraft a atteint le 1 million de ventes en 5 jours. Dans ta pipe! Oh, Call oui. of Duty. Andrew Hims. Et d'ailleurs, on voudrait vous dire que tantôt, le mec, on revienne là, à 5h du matin, donc dimanche matin, tantôt à 5h. Mais Monsieur Andrew Castegan a un dossier spécial Minecraft qui va vous présenter. On vous gardait ça là, pour évidemment vous amener à nous écouter à 5h. De 5h à 8h, on va être là tantôt. J'ai même donné un titre à mon dossier. Et quel est ce titre? Minecraft, le favori aujourd'hui. Ah ben écoute, il y a des i. Félicitations. Oui. En fait, j'avais aucune idée. Je cherchais de quoi à dire. Je sentais qu'il y avait un silence. Écoute Andrew, je vais travailler. Ah c'est ça. Au Béralé, si vous appelez, vous avez des idées de titres en termes en achetant votre carte de membre. Non c'est ça, vous pourrez les laisser aux téléphonistes, ils vont nous les donner. D'ailleurs appelez donc là. 418-529-9026. Là. Ouais, un petit don. Là. Profitez-en, on est là. On est là. Il y a plein de monde là, qui attend au téléphone là, pour vos appels. Là. Il faut en profiter. Ben, c'est sûr que. Il peut peut-être avoir de l'attente parce qu'il y a du monde qui appelle, là, mais. Restez en ligne, on va vous répondre aussitôt qu'on peut. Soyez patients, mesdames et messieurs. Autre nouvelle, M. Castegan? Non. Donc, je continuerai avec une de mes nouvelles. Final Fantasy 14, l'alpha test dans quelques jours. Et oui, après quelques péripéties là, par rapport au développement de ce jeu-là, ben, le producteur du jeu, Naoki Yoshida, a récemment précisé que le titre entrerait dans la phase de test alpha le 29 octobre prochain, donc lundi. Je m'excuse, mais il faut que je dise quelque chose. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'on appelle ce jeu-là Final Fantasy XIV, mais Final Fantasy Online 2. Merci. Ouais, parce que ça va être pour ceux qui ne savaient pas, ça va être un Final Fantasy Online qui s'en vient. Il faudrait peut-être, je pense, j'ai comme une envie de l'essayer, mais qui sorte. Non. Parce que j'ai jamais. Non. Il y a plein de monde qui m'ont dit que le premier était très bon. Non. Tu te dis. Parce que tout Final Fantasy passé le 10, là, c'est soit un film, soit que c'est plate, ou soit que le système de combat marche pas, et j'arrive pas à croire qu'ils vont sortir Final Versus 13. On parle pas de ça, là. Oui. Non, on parle de la version online. T'avais-tu joué à la première version online? Oui. Puis t'avais pas aimé ça. Qu'est-ce que t'avais pas aimé, en fait? En fait, il était pas mauvais, Final 11. C'est juste qu'il était atrocement méga giga trop dur. Ok, c'est la difficulté qui était vraiment. Parce que moi, ça a été un succès auprès de mes amis. La plupart des gens autour de moi avaient aimé ça, mais en fait, ça avait pas été un gros succès populaire. C'est qu'on avait pas le choix d'avoir une gang. Parce que si tu voulais jouer tout seul, t'es comme du monde qui joue à WoW, qui sont tout seuls, puis ils peuvent passer à travers le jeu, à part peut-être les raids, là. Mais, tu sais, le storyline principal, tu pouvais passer à travers tout seul à WoW, là, ça te tentait, là. Ça pouvait être long, là, mais tu pouvais le faire. Il y a un storyline à WoW, excusez. Oui, c'est dur à croire, mais il y en a un. Ouais. Mais tout ça pour dire que Final 11, c'est juste impossible. Aussitôt qu'on sort d'une ville, là, si on est tout seul, on se fait violer par tout ce qui est monstre, à part peut-être le petit lapin cute qui te vide la moitié de ta barre de vie. Puis c'est un lapin. Donc, en tout cas, on espère que la prochaine version sera moins difficile. Mais le 14, là, c'est pas un nouveau, en fait. C'est un reboot du 14. Parce qu'il était déjà sorti, puis il était ultra plate, puis il était très mauvais. Là, ils ont sorti un trailer pour dire ah, finalement, il y a un apocalypse, tout détruit, tout ce que vous connaissez n'existera plus, puis il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et on l'aurait fait. Exactement. En passant, je voulais dire que le 29 octobre prochain, donc lundi, mais c'est une date qui ne concerne que le Japon. Donc, l'alpha va se faire au Japon seulement pour les tests. Donc, soyez patients, fans de Final Fantasy. Et la réponse que je vais dire, êtes-vous réellement surpris? Ben non. Ben voilà. Pourquoi il faudrait être surpris? Là, c'est dit, moi. Et on va continuer après ces quelques nouvelles avec une autre excellente chanson. Cette fois-ci, un autre groupe là, qu'on fait jouer à l'occasion ici, le groupe Amon Amarth. Et on va vous mettre la chanson pour vous réveiller un peu puis vous stimuler à appeler ici là en studio. En fait, les téléphonistes pour faire des dons, acheter votre carte de membre, venez faire un tour. On a des beaux t-shirts. Donc, ça va vous stimuler. Vous allez voir, ça s'appelle Destroyer of the Universe d'Amon Amarth. Et on vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. We'll be right back. cristal de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse, mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après une chanson d'Amon Amart et un excellent indicatif de M. François Gécouillard qui nous... Je le dirai jamais assez, je les aime. T'es aimes ces indicatifs-là. Il faudrait qu'ils nous en fassent plus. Il faut, ouais. On va y reparler, ouais. On pourrait se montrer quelque chose, là. Mm. Avec tout ce chute, ce serait bon. Donc, on continue. Ben, rappelons-nous de mon excellent rôle de Miss Pac-Man. Dans un des sketchs d'ouverture. Non, justement, on veut pas vraiment s'en rappeler. Donc, on y continue en nouvelle ludique avec une édition collector pour BioShock Infinite. Et Andrew, tu m'en as parlé cette semaine pendant qu'on jouait chacun de notre côté à la maison. T'sais, nous autres, on se parle en ligne, mais pas pour jouer ensemble. On joue chacun de notre bord, mais on se parle. C'est ça. Mais on est quand même très... On l'a toujours dit, on est geek à tendance sociale. Et même si on joue pas aux mêmes affaires, on aime ça se parler. Ben, des fois, on joue aux mêmes affaires, mais chacun de notre bord. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un coffret qui s'en vient pour février, donc février 2013. D'après ce qu'on nous a dit là sur PC, Xbox, c'est le titre là, pour BioShock Infinite, ça s'en vient PC, Xbox 360 et PS3. Et là, il y a un Collector Edition qui est sorti et... Je le veux. Ouais, ça avait vraiment l'air emballé par cette sortie-là. Je vous dis un peu ce qu'il y a là-dedans. Un exemplaire du jeu, bien évidemment. Un porte-clés. Je le veux plus, là. Le jeu, il est dedans. Moi, je veux juste les goodies aussi. C'est ça. Moi, je le veux pas, là. J'ai vu le trailer. Je trouve que ça l'en jette en masse. C'est correct, là. J'ai mis à dose. Alors, remarque que j'ai failli faire ça, moi, pour Skyrim. Parce que moi, je l'ai sur PC. Je voulais aller m'acheter la version parce qu'elle s'est moins vendue. Elle s'est moins vendue côté PS3. On se demande pourquoi. On le sait maintenant. Et il y avait quand même beaucoup de Collector Edition qui n'étaient pas vendus. Puis ça revenait. Ils vendaient pas cher, 70$ des fois en magasin, juste pour avoir la maudite statue d'Alduin qui est vraiment très belle. Qui en jette tout plein. Ouais, j'aurais aimé ça l'acheter, mais bon, j'ai résisté, puis là, il n'y en a plus. Bonjour, je me revoilà, Nicolas, en ondes. Comme j'ai été invité, j'ai resté un peu. T'as bien fait. Moi, ouais, j'aimerais commenter quelques nouvelles. Comme tu as mentionné Skyrim, en tant que producteur de jeux vidéo, une expérience que Skyrim a fait et qui s'est retrouvée en ligne sur YouTube, la semaine créative. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Dis-moi, c'est quoi, ça m'intrigue. Grosso modo, après la sortie de Skyrim, dans le fond, les concepteurs du jeu ont fait « Hey gang, on fête la sortie du jeu, on a une semaine ». Qu'est-ce qui a pas été fait durant le développement? Faites-le. On va essayer d'en faire un bundle si possible, puis peut-être un jour de le vendre. Mais ce qu'ils ont fait durant cette semaine-là, là, ça a été la semaine la plus productive de tout l'univers des productions de jeux vidéo qui a été faite. Allez voir la vidéo, il y a beaucoup d'éléments que, pour ceux qui ont joué à Skyrim, vous allez voir, hein, pourquoi ils ont pas vraiment mis ça dans le jeu? C'est souvent le commentaire qui revient de tous les fans de Skyrim autour de moi. Ouais, mais c'est souvent ça c'est vraiment intéressant. Puis en plus avec tout le phénomène du mod qu'on retrouve sur PC, là, souvent on fait pourquoi ils ont pas pensé à ça? C'est niaiseux, là, mais comme moi j'ai deux modes d'oiseaux là. Avec des oiseaux qui se promènent à terre, qui peuvent donner de la bouffe, puis il y en a qui chantent. Ça donne un. Tu sais, c'est des trucs qui rendent le jeu de plus en plus immersif. Mais c'est sûr c'est de la job, là. Mais mettons que c'est dans les détails là, qu'avant de sortir un jeu, ben des fois on peut laisser tomber. D'ailleurs, tu me fais penser, une autre des raisons d'être de mon studio, c'est justement pour combler ce besoin-là. Ah, c'est bon, ça. Tu sais, la question que, hey, j'aurais fait ça de même, mais viens me voir, on va voir ce qu'on peut faire. Excellent, ça. Mais c'est ça, c'est toujours. Sinon, c'est quoi qu'il y a d'autre dans le monde? Oui, on change comme ça, mais on revient à la nouvelle là, sur le. Fait que il y a la copie du jeu que vous pouvez laisser dans votre plastique. Oui, il y a le porte-clés affublé d'un joli corbeau, parce que le corbeau, c'est toujours joli. Une lithographie, un artbook de 64 pages, la bande son originale du jeu. Une petite figurine. D'ailleurs, ça me fait penser, des fois, il y a du monde qui se dit la bande sonore du jeu, ça m'intéresse pas. BioShock, par exemple, si vous aimez la musique là, des années 80, là, de la petite musique groovy, là, c'est les années 80, tout ça, là, c'est une très bonne trame sonore pour ça. Donc, allez vous chercher ça. Et donc, ils vont aussi avoir une petite figurine en résine liée au jeu de plateau de Siege of Columbia. Trois petits bonus en jeu, des éléments pour avatar et des thèmes de bureau. Donc, tout ça. Et en plus, vous pouvez aussi... ça, c'est à environ, là, d'après ce qu'on regardait, là, pour environ 80 euros. Fait que faites le calcul, là, c'est à peu près 90. On va être sûrement 100$ aussi. Ouais, environ. Et vous pouvez payer plus cher et en plus avoir une superbe statuette de Griffon, la créature monstrueuse qui vous mènera à la vie dure tout au long du jeu. Donc on rajoute là, cette grosse statuette-là. Si vous payez encore plus cher là, à ce moment-là... C'est celle-là que je veux. Ah, c'est ça, toi, tu voulais la grosse, grosse édition. Laisse-moi le calculer rapidement. Ah, ça, sur console, c'est plus cher. Vous pouvez, c'est 10$ moins cher sur PC. Ouais, comme tout le temps. C'est ça. Parce que Skyrim, c'était pareil aussi, c'était 10$ moins cher sur le PC. Donc, on parle de 140€, là, à ce moment-là, là, pour la, puis là, j'ai l'image ici, là, effectivement. La statuette à la quand mais même assez big. Si vous l'avez pas vu encore, là, allez sur YouTube, recherchez le dernier trailer, la bande-annonce qui ont sorti du jeu. T'sais, moi, j'ai adoré Bioshock 1. Là, t'sais, c'est pas tout le monde qui l'a aimé. Là. Moi, j'aime beaucoup ce type de jeu-là. Le 2, je l'ai un petit peu moins aimé. Mais la bande-annonce là, de celui-là, il y a de l'air excellent. T'as hâte d'essayer ça. Oui, ben, étant fan de la série Bioshock de la base. Tu penses l'acheter sur PC ou Xbox? PC. PC. C'est un first-person shooter. T'es comme Top Ted for the Win l'ont dit sur Internet. Les first-person shooters, c'est sur PC. Voilà. D'ailleurs, Top 10 for the Win, qui est dans la grande famille Machinima, si vous allez sur YouTube, là, qui font des vidéos et des vidéos et des vidéos là, sur les jeux vidéo, c'est donc Top 10 FTW, Top 10 for the Win. Vous allez chercher ça. Les gars s'appellent Steven Larson, puis ils font des top 10 surtout là récemment ils ont fait justement les meilleurs jeux qui se font les jeux qui sont meilleurs sur PC, les meilleurs jeux de survival horror, ils en font toutes les semaines, ils en font un par semaine comme ça et c'est toujours à tendance très comique et même parfois vulgaire dans leurs commentaires qu'ils font, mais le en tant que tel le top 10 c'est toujours très intéressant. On va parler d'un autre d'une autre édition spéciale d'un produit et là j'en parle, là, on pourra sûrement pas l'avoir ici. C'est une nouvelle 3DS XL qui va sortir, version Pokémon, avec un Charizard dessus. J'en parle parce que ça va être effectivement là, une rareté là, pour les collectionneurs. Ça va être seulement disponible au Japon. Et c'est même seulement disponible dans un magasin spécifique. Là, il va avoir passé des commandes. C'est environ là, 182€ d'après ce que j'ai pu voir. Puis c'est quand même une belle. En tout cas, mettons que t'en as pas. Ah, moi, le seul défaut que je trouve, c'est que c'est une console portable tellement grosse que tu peux tuer quelqu'un. Là. Ouais, ça, on avait déjà parlé lors de la sortie de la 3DS XL. Tu prends un sac à dos pour le traîner. Là. On perd un peu le côté mobile et le côté portable de la console à ce moment-là. Tu sais, quand c'est rendu plus gros que ton téléphone, il y a ouais, un problème. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand c'est rendu plus gros qu'une PS3, là, j'exagère, là, mais... À peine. C'était pas le genre à exagérer, nous. Non, du tout. Non, bref, allez voir ça sur Internet, là, si vous pouvez tomber là-dessus. C'est vraiment... En tout cas, moi, je la trouve très belle. Mais bon, c'est pour vous teaser, surtout pour les collectionneurs, parce que ça va être à peu près impossible d'avoir ça ici, même en importation. Fait que je t'annonce, Mike, qu'on part au Japon pas plus tard que demain. Et notre quête sera d'aller chercher cette magnifique 3DS. Puis revenir au Canada, puis se filmer en train de la péter avec une masse, puis mettre ça sur YouTube. Non. Oh. Et on vous envoie une dernière chanson là avant la fin de l'émission et vous allez voir c'est un classique des classiques. Écoutez, on avait connu ça à l'époque avec Louis-José Hood et son Doloraclip et c'est une chanson qui s'appelle D Natural est mon nom et de l'artiste est bien évidemment D Natural, un excellent rap qui se croyait sérieux à l'époque. Puis moi je trouve ça très drôle, c'est que ça me tente de vous le faire écouter. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Levez-vous, dansez, sautez. Go! D-Natural est mon nom, pis tu vas t'en rappeler. Je rappe en joual, pis c'est ça qui va me distinguer des autres qui se croient toujours meilleurs. Mais dans le fond, ils veulent juste qu'on leur lance des fleurs. Pour connaître le talent, pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience par quelque temps. Gainement, y'en a une couple qui croit pas mes moyens, c'est juste des bons à rien. Yo, ok, je suis le seul dans la liste, pis mon nom est en anglais. Je vois absolument rien, je bannirais mon français. C'est ça que je veux, j'en suis heureux. Pis même si on serait deux, je pourrais pas demander mieux. Alors profite-en, en m'écoutant, en appréciant, pis en restant franc. Pis d'essayer de m'imiter serait forcé à avouer que personne ne fait mieux avant moi. Quoi qu'en soit, j'ai confiance en moi. Je suis un produit de Québec, je suis comme un roi. Pas de question, c'est la langue. Québec est ma ville, français est ma langue. D Natural est mon nom. Mon nom, D Natural est mon nom, mon nom. le château Frontenac. C'est pas Montréal, c'est la capitale provinciale. J'ai plusieurs négliges parce que c'est leur devise. Je nous chiais dessus sans arrêt. D'habitude, ça vient des Canadiens anglais. Racistes ils sont, moi je le suis pas. Je trouve ça stupide, je me demande quand ça arrêtera. Ce que je dis est censé penser et nuancer. Qu'avec le passé, c'est associé à ma particularité. On est 600 000, c'est supposé une petite ville. Fait que pensez-y bien, je suis pas Canadien ni Américain. Mais un gars de Québec qui s'est pris en main. Mon caractère inné est naturel. Alors mets-toi en selle, je suis pas rebelle. Grâce à ma sécularité que j'ai cultivée. Levez-vous, dansez, sautez sans arrêter. Écoutez les différents tons, vous franchirez ce pont. J'ai le bon surnom. Dis Natural est mon nom. Mon nom, D-Natural est mon nom, mon nom. Et oui, D-Natural est son nom. Était son nom, on n'a pas entendu parler. Et c'est déjà la fin de cette heure spéciale de Puissance Maximale dans le cadre du Radioton de CKIA FM. Donc continuez à appeler. Moi, je vous rappelle le numéro de téléphone 418-529-9026, 418-529-9026 pour faire un don, acheter votre carte de membre. C'est le temps, mesdames et messieurs, d'encourager votre station communautaire préférée et en même temps toutes les émissions là, que vous entendez sur les ondes, dont Puissance Maximale. Les gens sont là jusqu'à 21h au 335 Saint-Joseph-Est, local 200, donc au deuxième étage. Vous pouvez venir acheter votre carte de membre, faire un don, acheter des CD, là, l'univers progressif là, qu'on vous parle depuis quelques semaines, et des t-shirts de Sequoia. C'est là pour ça. Venez faire votre tour en studio. Il est très beau, le t-shirt. Oui, je le dirais jamais assez. Il est vraiment beau pour 20$. Là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Très beau t-shirt. Donc, on vous invite à vous présenter. On vous rappelle que Puissance Maximale sera de retour à 5h du matin tout à l'heure, donc dimanche matin 5h pour 3h de Puissance Maximale. On va essayer d'être autant énergétique, même peut-être plus. Ah, moi, je vais être en feu. Et, littéralement. Ça va chercher le bidon d'essence tantôt. Non, on va être en forme tantôt et on va avoir des collaborateurs. Monsieur Pierre-Luc Pelletier va être là, en fait, par téléphone via, donc, qui va être en France, qui va nous appeler pour nous parler sécurité informatique. On a Monsieur Diego Lamana qui va être en studio pour nous parler jeux vidéo, mais de façon, on va parler de jeux vidéo d'horreur, vu l'Halloween qui s'en vient. On va avoir déjà Monsieur Julien Materne et Marie-Camille Carrier qui sont là à l'occasion. Ils vont venir faire un tour également pour nous parler de quelques trucs. 3 heures de Puissance Maximale à partir de 5h tout à l'heure. Je veux remercier M. Nicolas Morin qui est là pour nous parler de son studio, Nicorail Studio. Merci Nicolas d'être passé ici. Bien, merci à vous et je tiendrai à faire un petit dernier message. J'inviterai les joueurs, les gamers qui veulent avoir un jeu à venir me voir au 1095 Chemin de la Canardière, qui est l'adresse physique de nos lieux de studio. Excellent. Merci beaucoup, Nicolas, d'être passé. Et je remercie M. Andrew Castega de la console. Toujours un plaisir. On va essayer d'être dopé à caféine à 5h. Oh yes, c'est bon. Moi, c'est Mickaël Michaud, votre animateur, votre serviteur. Toujours content d'être là. www.puissancemaximale.com. Allez sur Facebook. Cherchez-nous, Puissance Maximale. On vous aime. Continuez à appeler pour le Radioton. Faites des dons. Achetez votre carte de membre. Et on est de retour à 5h. Et M. Gérald Aoué s'en vient aussi avec l'émission Profil, ça s'en vient tout de suite après nous. On se revoit à 5h. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we. Two, three, four, down! Yeah. Yeah.